Deuxième livre des Chroniques, chapitre 30. Puis Ézéchia envoya vers tout Israël et tout Juda, et il écrivit même des lettres à Éphraïm et à Manassé, afin qu'ils vinssent en la maison de l'Éternel à Jérusalem, pour célébrer la Pâque à l'Éternel le Dieu d'Israël. Car le roi et ses principaux officiers avec toute l'assemblée, avaient tenu conseil à Jérusalem, de célébrer la Pâque au second mois, à cause qu'ils ne l'avaient pas pu célébrer au temps ordinaire, parce qu'il n'y avait pas assez de sacrificateurs sanctifiés, et que le peuple n'avait pas été assemblé à Jérusalem. Et la chose plut tellement au roi et à toute l'assemblée, qu'ils déterminèrent de publier par tout Israël depuis Beer-Séba jusqu'à Dan, qu'on vint célébrer la Pâque à l'Éternel, le Dieu d'Israël à Jérusalem, car ils ne l'avaient point célébré depuis longtemps de la manière que cela est prescrit. Les courriers donc allèrent avec des lettres de la part du roi, et de ses principaux officiers, par tout Israël et Juda, et selon ce que le roi avait commandé, en disant, « Enfants d'Israël, retournez à l'Éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, et il se retournera vers le reste d'entre vous, qui est échappé des mains des rois d'Assyrie. Et ne soyez point comme vos pères, ni comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel le Dieu de leur père, c'est pourquoi il les a livrés pour être un sujet d'étonnement, comme vous voyez. Maintenant ne roidissez point votre cou, comme ont fait vos pères, tendez les mains vers l'Éternel, et venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, et l'ardeur de sa colère se détournera de vous. Car si vous vous retournez à l'Éternel, vos frères et vos enfants trouveront grâce auprès de ceux qui les ont emmenés prisonniers, et ils retourneront en ce pays, parce que l'Éternel votre Dieu, est pitoyable et miséricordieux, et il ne détournera point sa face de vous, si vous vous retournez à lui. Ainsi les courriers passaient de ville en ville par le pays d'Éphraïm et de Manassé, et ils allèrent même jusqu'à Zabulon, mais on se moquait d'eux, et on s'en raillait. Toutefois quelques-uns d'Azé, et de Manassé, et de Zabulon s'humilièrent, et vinrent à Jérusalem. La main de l'Éternel fut aussi sur Juda, pour leur donner un même cœur, afin qu'ils exécutassent le commandement du roi et des principaux, selon la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il s'assembla un grand peuple à Jérusalem pour célébrer la fête solennelle des pains sans levain, au second mois, de sorte qu'il y eut une fort grande assemblée. Et ils se levèrent, et ôtèrent les autels qui étaient à Jérusalem, ils ôtèrent aussi tous les tabernacles dans lesquels on faisait des encensements, et les jetèrent au torrent de Cédron. Puis on égorgea la Pâque le 14e jour du second mois, car les sacrificateurs et les lévites avaient eu honte, et s'étaient sanctifiés, et ils avaient apporté des holocaustes dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi ils se tinrent en leur place, selon leur charge, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang, le prenant des mains des Lévites. Car il y en avait une grande partie dans cette assemblée, qui ne s'était point sanctifiée, c'est pourquoi les Lévites eurent la charge d'égorger les Pâques pour tous ceux qui n'étaient point nets, afin de les sanctifier à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, savoir la plupart de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar, et de Zabulon ne s'étaient point nettoyés, et ils mangèrent la Pâque autrement qu'il n'en est écrit, mais Ézéchia pria pour eux, en disant, « L'Éternel, qui est bon, tienne la propitiation pour fête, de quiconque a tourné tout son cœur pour rechercher Dieu, l'Éternel le Dieu de ses pères, bien qu'il ne se soit pas nettoyé. » Selon la purification du sanctuaire. Et l'Éternel exauça Ézéchia, et guérit le peuple. Les enfants d'Israël donc qui se trouvèrent à Jérusalem, célébrèrent la fête solennelle des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie, et les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel chaque jour, avec des instruments qui résonnaient à la louange de l'Éternel. Ézéchia parla à tous les Lévites, qui étaient entendus dans tout ce qui concerne le service de l'Éternel, il leur parla, dis-je, selon leur cœur, et ils mangèrent des sacrifices dans la fête solennelle pendant 7 jours, offrant des sacrifices de prospérité, et louant l'Éternel le Dieu de leur père. Et toute l'assemblée résolut de célébrer 7 autres jours, et ainsi ils célébrèrent 7 autres jours en joie. Car Ézéchia roi de Juda fit présent à l'assemblée 1000 veaux et de 7000 moutons, les principaux aussi firent présent à l'assemblée 1000 veaux, et de 10000 moutons, et beaucoup de sacrificateurs se sanctifièrent. Et toute l'assemblée de Juda se réjouit, avec les sacrificateurs et les Lévites, et toute l'assemblée aussi qui était venue d'Israël, et les étrangers qui étaient venus du pays d'Israël, et qui habitait en Juda. Et il y eut une grande joie dans Jérusalem, car depuis le temps de Salomon fils de David roi d'Israël, il ne s'était point fait dans Jérusalem une telle chose. Puis les sacrificateurs lévites se levèrent, et bénirent le peuple, et leur voix fut exaucée, car leur prière parvint jusqu'aux cieux, la sainte demeure de l'Éternel.